Allez, on est de retour sur RIG Bordeaux en 90.7 FM sur le net, sur RIG.fr et sur girondin33.com/écoutez-GA, sur lequel vous pouvez retrouver le flux pour nous écouter sur le net et aussi le chat. Vous avez vu que certaines choses ont changé, il y a pas mal de choses qu'on doit faire et refaire. Vous aurez tout ça dans quelques temps, quand on aura le temps de le faire. Mais on va essayer de faire un truc sur le chat assez sympa, qui puisse être relié à Twitter, etc. Donc voilà, on va faire ça en sorte de faire les choses bien. Genre vous mettez un message, et si jamais dans le hashtag il y a DirectGA, ça publie sur Twitter. On va essayer de faire un truc cool, ça peut être pas mal. Messieurs, on est de retour jusqu'à 23h, on a 50 grosses minutes pour revenir sur le match contre Angers. Avoir vos têtes, c'est super génial. Vas-y. Ah oui, excuse-moi, je ne vous ai pas allumé les micros, mes excuses messieurs. Juste avant, en off, on parlait avec Thibaut, il a assisté au match amical des féminines, donc on pensait faire un petit bout maintenant, allez-y, une petite présentation avant qu'on parle. Donc les féminines qui ont repris l'entraînement il y a 2 semaines ont affronté Soyo en match amical de préparation. Alors c'était un match vraiment amical, il y a eu une grosse revue d'effectifs. Notamment les nouvelles recrues qui ont été alignées, donc la gardienne internationale néo-zélandaise, alors Eric Naylor. Voilà. Il y a plusieurs recrues, Julianne Gatra de Metz, dont la nouvelle aussi, alors Barbank, j'ai oublié son nom. Je l'ai pas encore. Rod Valo a joué, non? Nadma Al-Najim qui a mis un doublé, qui est une attaquante. Alors bon, ça. Il y a la défenseur de Chelsea aussi. Ouais, mais elle n'était pas encore là. Rod Valo a pas joué. Si, elles ont tous joué. Tout joué. Il y a même une jeune milieu de terrain de 16 ans qui est rentrée, Axel Touzeau, qui fait partie de la formation de Blanquefort. Donc voilà. Donc victoire 3-0. Bon, pas tirer franchement beaucoup d'enseignements. Après, ça reste un match amical de pré-saison, mais face à une deuxième division. Elles affrontent la Real Sociedad dimanche à 17h je crois, en Anglette. Donc voilà, on fera des points réguliers sur l'état des filles pour la nouvelle saison qui commence le 3 septembre je crois. Les filles, c'est quand même 8 arrivées pour 11 départs, donc ils ont quand même un effectif qui a été complètement remodelé avec des joueuses qui sont parties qui étaient titulaires et certaines qui ne l'étaient pas. Et je pense que, après Thibaut, toi tu t'y connais plus quand même au niveau des filles, mais sans jeu de mots. Ah, mais toi, c'est, chacun est libre de son orientation. Hein. Mais je trouve que les filles ont fait le mercato qu'elles auraient dû faire il y a un an. Ce qu'a fait par exemple Marseille. C'est compliqué. Oui, d'accord, ça, non, mais je sais que c'est compliqué, mais ce qu'a fait Marseille l'année dernière est ce qui leur a permis d'être sûr d'être maintenu assez rapidement et de faire un assez beau championnat. Mm. Bon, après, au départ, il n'y avait pas forcément beaucoup d'ambition dans le, du côté des Girondins. C'est peut-être aussi le président Martin qui a apporté ça. Mais là, il y a eu une émulsion avec le maintien qui se fait à Paris. Ouais. Puis bon, voilà, c'est un groupe. Bon, il y a quand même une ossature qui a été un peu conservée. Sophie Stillard au milieu, qui était la joueuse de l'effectif, qui a pris le brassard d'ailleurs de capitaine. André Lardès sur le côté. Il y avait aussi Juliette Moumagne qui fait un très bon match encore. Donc voilà, il y a quand même des choses positives. Deux points noirs. Donc la blessure de Delphine Châtelain. Bon, elle, ça serait juste un petit coup, à la cheville. Donc c'est pas trop grave. Mais en tout cas, en ce qui concerne Léa Manon, qui a été apparemment assez durement touchée, donc on n'a pas forcément. Au genou, oui. Voilà, elle attend toujours. Le genou, donc pour l'instant, il n'y a pas trop d'informations. Je vois sur le chat, il y en a qui demandent. Il n'y a pas trop d'informations sur sa blessure. Mais voilà, en tout cas, on a déjà une recrue qui a marqué un doublé. Donc, il y a des choses intéressantes. Donc, si vous êtes du côté d'Anglette dimanche, je vous conseille d'aller les voir parce que il y a des choses intéressantes à observer. Et puis cette saison, il n'y a pas de match de Bordeaux le dimanche, des hommes le dimanche. Donc, vous pourrez aller voir les filles. Voilà, exactement. Merci l'élimination en Europa League. Et en plus, quand on regarde, il y a eu vraiment les recrues qui ont été faites, c'est des recrues quand même intelligentes. Il y a pas mal de jeunes, des jeunes qui jouent en équipe de France espoir, et des joueurs aussi confirmés comme celle qui est venue de Chelsea, qui était quand même. Il y a la gardienne aussi. La gardienne aussi. Plutôt intéressante. Et après, sinon, c'est beaucoup de joueuses qui jouaient déjà en D1 féminine ou qui ont eu des expériences et qui ont qui ont déjà un certain vécu de la. C'est une Enrique la gardienne. Enrique Ibis, ah oui. Ouais, elle est, ouais. Elle est sortie deux fois, elle a mis deux fois le genou. Bon, c'est un peu un jeu vraiment. Non, mais c'est, voilà, c'est intéressant à aller voir, donc on va pas faire trois heures dessus, mais voilà, c'est un jeu intéressant et allez le voir. Mais bon, on s'est engagé de toute façon en fin d'année à les suivre bien plus cette année, on le fera, et puis on le fera avec plaisir. Passons, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait deux doigts comme ça, c'est très très très moche et très malsain, je n'ai pas du tout compris là, ce que tu voulais dire, mais je t'invite à pas en dire plus. On va passer à ce fabuleux match contre Angers, où je pense que les supporters bordelais sont passés un petit peu partout, toutes les émotions, on perdait 1-0, donc tout le monde devait être dégoûté et surtout très en colère, l'égalisation a dû... nous ramener un petit peu dans un scepticisme moyen, puis nous soulager ou nous faire naître des sourires, et puis nous dégoûter à 3 minutes de la fin. Bordeaux, encore une fois, n'aime pas ses fins de mi-temps, que ça soit Vidéoton ou que ça soit là. Et je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet par ce match. Je vais y aller, je vais rentrer deux pieds dedans. Mais personnellement, ce match-là m'a gonflé. Et il m'a gonflé dans les choix. Il m'a gonflé dans les choix, encore une fois. Pas forcément la compo de départ, parce que j'ai envie de dire, ben, pourquoi pas, ça se tente. On met Pelnard à gauche, on avait dit que quitte à pas mettre Contento, voilà, autant mettre lui. Après, on se retrouve avec Lohrager en 6, poste qu'il avait joué aussi en match amicaux. Oui, sur les matchs amicaux, pardon. Où il avait été bon. On retrouve Vada pour l'organisation du jeu bordelais. Il y a Mendy qui est préféré à la board. J'en parlais tout à l'heure. Je trouve que c'est envoyé un manque de confiance à la board. Mais on va dire que vu les prestations de la board sur les deux derniers matchs, ça peut se comprendre. Mais c'est encore les choix pendant le match qui me dérange. Bon, on se retrouve très vite mené. On voit qu'on a du mal à rentrer dans le match, qu'on a du mal à... Bon, on a Cyril qui... voilà. Qui nous présente son enfant. On a du mal à... on a du mal à rentrer dans le match. Celui-là au podcast, pour le bêtisier de fin d'année, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est ça. On a du mal à rentrer dans le match. On se retrouve un petit peu en difficulté sur les mêmes erreurs que Vidéoton, pris dans un match où ben, voilà, c'est dur, où les autres sont bien dedans. Et on se retrouve vite mené sur leur seule occasion, mais ça reste quand même assez logique. Bordeaux, à partir du quart d'heure, arrive à reprendre un beau rythme et à remettre le pied sur le ballon. Et quand Bordeaux a le pied sur le ballon, derrière, on est forcément moins en difficulté. On a plus la possibilité de gérer les contres. Et on revient logiquement au score. Tu mènes en deuxième. Tu mènes et tu es dans un temps fort. Et c'est là où je comprends plus. Tu mènes, tu es dans un temps fort. Tu as des occasions pour mettre le 3-1. Tu sens que la défense en face est en difficulté. Et au lieu de te dire je vais faire entrer un deuxième attaquant, passer en 4-4-2, en plus offensif, pour mettre la pression sur l'équipe adverse et forcer la décision, tu sors ton meneur de jeu. Moi, ça fait un an que je dis que quand Vada est sur le terrain, Bordeaux joue mieux. Que ça soit parce que Valentin Vada joue bien, et même quand il fait un match moyen, Bordeaux joue automatiquement mieux. On le sort, on fait rentrer Plasil. Je trouve que Bordeaux recule beaucoup derrière. Et j'ai envie de dire, on prend une égalisation logique. J'ai vu le compte des Girondins mettre comme quoi l'arbitre avait sifflé avant 20 secondes de la fin. Beaucoup sur Twitter râlaient parce que sur le but, avant, il y a corner. Mais merde! On prend un but qui est logique et qu'on voit venir. Ça me dérange de faire toujours ces choix par défaut, toujours sur la défensive, alors que justement, quand tu as deux doigts de mettre le 3-1, mais tu es offensif, tu fais en sorte de mettre l'équipe en face difficulté. Parce que si l'équipe en face est en difficulté, mais tu fais rentrer un poids devant, je t'assure que ce que fait Stéphane Moulin, c'est pas de faire rentrer un attaquant. Ça va être derrière d'essayer de mettre son milieu et forcément d'être plus défensif pour éviter d'en prendre un troisième et de peut-être, sur un coup de pied arrêté, marquer le 2-2. Mais bon, c'est typiquement Ligue 1. Et ça me gonfle parce que ce match-là, il aurait pas dû nous échapper et il nous échappe encore. Et c'est toujours la même chose contre ces équipes. À chaque fois, on joue petit bras. Après, tu dis, il aurait pas fait entrer un attaquant si on avait fait entrer un attaquant. Je pense pas. Hein. Je pense qu'il de toute manière, il aurait fait rentrer un attaquant. Mais s'il fait rentrer un mais attaquant, il s'en fout de prendre un troisième but. Mais ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas dans la philosophie de Ligue 1. Non, mais on est toujours à reculer, Marc, toujours. Quel aurait été le débat? Là, il y a eu 2-2. Il y a eu l'égalisation, il n'y a pas eu le schéma tactique. Si on fait rentrer eu... un attaquant et qu'il y a 2-2. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Si on fait ce changement-là, on fait rentrer un attaquant. Au moins, dans l'esprit du jeu, on aura été offensif. Dans le moins, dans l'esprit du jeu, on n'aura pas. Pour moi, quand tu fais ce genre de choses, t'as l'impression que tu sens pas le jeu. Tu le sens pas le jeu. Quand tu sens le jeu et que tu vois que Bordeaux domine, c'est maintenant qu'il faut appuyer, c'est pas après. Moi, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que quand tu n'appuies pas le jeu et que tu sais très bien que ton équipe, si tu marques pas maintenant, va avoir 10 dernières minutes compliquées parce que physiquement on n'y est pas, parce que la préparation physique a été bien trop lourde. Ah oui, en octobre et en novembre, on devrait être prêt physiquement, ça y a pas de souci. Mais tu vois qu'elle est trop lourde. Si tu marques pas, tu sais que la fin de match va être difficile, que t'es pas en confiance et qu'à la moindre erreur, tu vas le prendre le but. Tu le sens. Je veux dire, ça se sent. Ça se sent. Donc moi, je suis désolé. Changer poste pour poste, Mendy, ça apporte rien. Quand tu fais un remplacement, tu fais rentrer la borne à 10 minutes de la fin. Un quart d'heure pour être exact. Le joueur, faut qu'il rentre dans le match. Il est pas en confiance, c'est pas un attaquant qui à chaque fois est rentré à marquer. C'est un attaquant pas en confiance à qui tu n'as pas fait confiance au début du match. Il va faire quoi l'attaquant tout seul? Tout seul alors que ton équipe est déjà en train de reculer, à part se battre comme un con devant, essayer de gratter un ou deux ballons. Mais il a fait le même stade pourri que Mendy, il a fait la même entrée que l'autre a fait ses 75 premières minutes. Mais tu ne vas pas dans le sens du jeu. Le sens du jeu était, tu es en train de dominer, tu es en train de mettre une pression, rajoute une force devant. Mais le problème, c'est de croire que si on avait changé de compo et était encore plus offensif, on n'aurait pas reculé. C'est naturel qu'une équipe recule quand même, mettre 2-1. C'est rare de voir... Non. Si, c'est rare. Ça dans la plus... les équipes. Mais c'est rare de voir... Il n'y a que le PSG ou Monaco ou qui arrive à... Ben non, Marseille a fait ça. Non. Marseille n'a pas fait ça. Bordeaux, à chaque fois... Adrien, à chaque fois que Bordeaux joue, ça fait un an, dès qu'on mène... On recule tout le temps, on l'a dit. Recule. Ça, je suis d'accord. Mais Marseille n'a pas fait ça. Marseille, si tu regardes leur match hier, j'ai pas vu le match. Et ben voilà. Ils font 45 premières minutes, immondes. Mais vraiment immondes. Ils ont de la chance de pas gagner, de pas se prendre un but. Après, ils sont efficaces derrière. Sur le début de la seconde mi-temps. Nous, notre match qu'on fait hier, on fait un premier quart d'heure immonde. Tout simplement à l'image du match contre Vidéoton. Et de toute façon, le match contre Angers résume le match aller-retour de Vidéoton concentré en 90 minutes. Mais après, on arrive à avoir une maîtrise, à avoir ce milieu enfin organisé, c'est-à-dire que sur le premier quart d'heure, même les 20 premières minutes, il y avait du mal à se placer entre Lehrager, Sankaré et Vada. Maintenant, Lehrager s'est placé plus bas, ce qui a permis de libérer un peu Sankaré et Vada. Voilà, l'organisation s'est mise en place. Après, il y a des points positifs à en tirer. On prend 2-2 face à Angers sur un but à 88e. Le problème sur le match complet, c'est qu'on n'est pas efficace dans les deux surfaces. C'est bête, mais quand t'as pas une certaine réussite, et ça arrive dans la saison, il y a des périodes comme ça. Et ce qu'il faut faire, c'est continuer et jouer encore plus et mieux pour qu'on ait 2 buts d'avance, par exemple. Voilà. Et il y a d'autres clubs qui ont de la réussite. Lille a fait un très bon match contre Nantes, mais en première mi-temps, ils ont une chance inouïe que Nakulma ne mette pas le but et qu'il ne soit pas mené 1-0. Et ça change le match. Donc, Bordeaux, sur le match, il ne faut pas... Ça y est, on est éliminé par Vidéoton. Gourvennec, il est nul. Tous ses choix, c'est une catastrophe. Mais c'est non, pas non. Ça, arrive un si, moment. Mais non. Si, sur un autre... L'an dernier, si sur un match, il fait sortir l'attaque, il fait sortir Laborde, par exemple, il fait rentrer Roland, il fait des changements poste pour poste, jamais on le dit, mais c'est une catastrophe ce qu'il fait. Non, non. Il fait un truc... On en a déjà parlé. Arrive un moment, moi, je me suis posé cette question devant le match. Je suis désolé. Quand j'ai vu le match, je me suis dit, mais pourquoi on met pas un petit peu plus de présence devant? Pourquoi au milieu on va pas mettre un peu plus? Quand tu sors Vada pour faire Plasil, tu fais pas un remplacement offensif, tu fais un remplacement et en disant que Plasil va être à la récupération alors que Vada est mené le jeu. Je suis désolé. Et quel aurait été ton avis aujourd'hui s'il y aurait eu ce changement qui aurait été opéré, ce changement tactique qui aurait été opéré et qu'on prenne ce but honnêteté, à la 88e? En toute honnêteté, j'aurais espéré que le coach explique pourquoi il fait ce remplacement. Aujourd'hui, j'ai aucune question à me poser. Je sais pourquoi il sort Vada pour mettre Plasil. parce qu'il veut jouer plus défensif, parce qu'il pense qu'il va amener de l'expérience. Mais si, Blasie, il n'a pas joué meneur de jeu. Ne dis pas non, Adrien. Il jouait pas meneur de jeu. Si jamais il fait ça et qu'il s'explique en disant « Je sais que mon équipe est fébrile défensivement, que physiquement on n'y est pas et que j'avais peur qu'on prenne un but, j'ai préféré mettre de la pression devant et essayer d'aller chercher 3-0. » Moi, au moins, pour une fois, j'entendrai un coach qui offensif qui ne joue pas sur la défensive. Pour moi, ce qu'on fait, c'est un petit bras. Mais on se fait avoir à chaque fois contre ces équipes-là parce qu'on n'arrive pas à mettre le but, etc. Mais par exemple, j'ai mis une note, Adrien, de merde à Camano. Parce que Camano a fait son perso trop souvent non, en oubliant de lâcher le ballon. Regarde le match qu'il fait. Ça m'a énervé, par contre. Parce que t'as gueulé sur la board, mais moi aussi, j'aimerais bien gueuler sur Camano. On a été trop dur, mais parce que tout le monde l'engueule et tout ça en disant il fait un match immonde. Tu m'as quand même sorti hier. Tu m'as dit Malcolm, il a une meilleure note. Parce que lui, au moins, il rate pas d'occasion. Mais oui, il en a pas. Par contre, Camano, qui en a, s'en procure plus, fait une passe D comme Malcolm, il a une moins bonne note. Tu lui as mis 2. Camano rate des occasions immanquables. Il a raté une occasion. Mais la board, non, il a raté une occasion, vous l'avez défoncé. Mais Adrien, la board, match aller, 45 minutes de jeu, une seule occasion, 3 ballons pourris à négocier. Il fait une passe D. Laisse-moi finir. Vous lui avez mis 1. Moi, ce que je reproche à Malcolm, c'est de rater toutes ses passes. Il a fait les mêmes contre Vidéotron, j'ai rien dit. Il fait les mêmes, encore une fois, il avait fait les mêmes en fin de saison. En ce moment, quand il s'agit d'être devant le but, il n'est pas à droit. Quand tu dois mettre le troisième, tu as intérêt à le mettre. Ensuite, il n'y a pas que ça, et c'est si tu étais de bonne foi, tu viendrais pas citer que ça. Je t'ai aussi dit qu'il y a un truc qui commence réellement à m'agacer, c'est qu'il est trop perso. Il a la tête dans les jambes, on dirait Ounas. Sur le match, je me suis même fait la réflexion, je l'ai tweeté tellement ça m'a gavé. Pourtant, je suis pas un fan de tweeter pendant les matchs, mais ça m'a tellement gavé, j'ai l'impression de voir Ounas. Pelnar a fait démonter je sais pas combien de fois, il a jamais servi à un seul ballon. Par contre, et bizarrement, Pelnar, à chaque fois qu'il a centré, on a eu des occasions dangereuses. Par contre, avoir la tête dans le guidon et perdre le ballon bêtement, il a fait trop de fois. À mon goût, je trouve que le match de Camano, ça fait plusieurs fois. J'attends plus de lui, j'attends plus de choses devant. Je suis désolé, 41 ballons, 14 ballons perdus. Je trouve que c'est énorme sur une marquée ses stats. Mais par contre, on t'a aussi dit, et c'est là où ça serait bien que tu sois aussi de bonne foi, et on te l'a dit sur Facebook et on te l'a dit dans la voiture. Je trouve qu'on a été trop sévère. Et avec Camano et avec la défense. Il n'y a pas que nous, c'est vrai. Et j'en ai pas à me parler, tu vois, avec Diesel. Qui m'a même fait changer d'avis. Bon, je sais pas s'il est sur le chat, mais ça le fera sourire. Il m'a fait changer d'avis en me disant aussi qu'il trouvait que lui aussi, on était un petit peu trop sévère avec Camano. Je considère que c'est un peu vrai, surtout pour un joueur qui, il y a un an, jouait à Bastia et qui, dans le jeu, est quand même intéressant. Que je trouve un petit peu perso, qui devrait quand même faire gaffe à ce point-là, parce que c'est un point dangereux et qui va être mis en concurrence. Maintenant, il y a des occasions que t'as quand même pas le droit de rater. Vous avez défoncé la board comme un malpropre parce qu'il rate une occasion en 45 et 90 minutes. Là, je trouve que c'est trop. Je crois que Thibaut devait nous quitter rapidement, je le sens. Ouais, juste pour dire qu'Angers c'était pourri. Donc voilà. Non, mais j'ai pas le temps de développer. Donc, mais tu peux nous appeler dans la voiture sur la route, par oui, contre. Bien sûr. Donc, oui, j'ai... libre. Et puis surtout, comme il va pas pouvoir parler, le temps qu'il soit à destination, il peut largement. Non, mais pour prendre le débat dans le sens plus large, on a quand même un mal qui est récurrent aux Girondins, c'est toujours cette improbabilité à tenir le score. On est à 2-1 et toujours à la 88e, 89e. On pense que le match va se terminer là et puis on se prend ce but qui nous fait toujours des. Enfin, c'est récurrent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est toujours la même chose sur les fins de match contre des équipes comme Angers. 4 buts en 3 matchs. Sur les 4 buts qu'on prend, Salut Thibaut. Sur les 4. Il est excusé, cher auditeur, vous inquiétez pas. Sur les 4 buts qu'on prend, c'est 4 buts où on filme. J'ai envie de dire, c'est pas 4 buts où les mecs ils ont été énormes. Encore peut-être celui au retour Vidéoton, il nous en a tellement mis mal à l'aise qu'à un moment il fallait bien que ça rentre. Mais enfin, ils ont été dangereux 2 fois, sauf sur des frappes de loin où Costil a été où il n'y a rien à dire. Et à chaque fois, on filme. Costil repousse un ballon, il a le soleil dans la gueule, on le sait, on le voit que ça va pas être simple de capter le ballon. Qu'est-ce qu'on fait? On suit pas, on regarde. Le seul qui suit, c'est un enjoint. Donc c'est vrai, quand tu prends des buts là, quand tu prends ce genre de but, c'est pas parce que tu n'as pas été assez offensif dans tes remplacements ou parce que Camano s'est raté. Mais c'est un ensemble. Moi, ce qui m'agace sur ce match-là, c'est ça. Parce qu'encore une fois, je me dis quoi? Qu'on n'a pas été à fond de nos possibilités, qu'on a été encore un petit peu petit bras, et que je pense qu'il arrive un moment, c'est un mal à Bordeaux, et j'en ai peut-être jamais parlé, mais là, c'est peut-être la première fois où je me fais la réflexion. C'est vrai que quand Bordeaux, et regardez les prochains matchs, quand on est dans un bon temps fort à la 70e minute, et qu'on mène que d'un but, on fait jamais le remplacement offensif qui permettrait d'amener le petit plus qui permettra la décision. Et ça, souvent, je me le dis. Ouais, après, faut pas oublier, parce que là, on parle beaucoup du match et autres. Même si le match, franchement, moi, j'ai trouvé que ce match était dégueulasse, qu'on vraiment, on s'est fait chier pendant tout le match. Mais il faut aussi pas oublier que les joueurs, quand même, ils reviennent d'un trajet de Hongrie. Les mecs se viennent quand même de se taper un match jeudi. Ils sont rentrés à 4h du matin, même s'ils sont pas à défendre. Ils ont fait un match vraiment horrible. Ils ont pas mis les buts qu'il fallait. Mais il faut aussi se rappeler quand même qu'ils sortent de Hongrie. Les mecs, c'est normal qu'à 2-1, à la 70e, ils sont un peu cramés. Que c'est normal qu'ils veulent jouer défensif et pas pour mettre les autres buts. Mais après on n'a pas joué et ultra défensif non plus. On joue plus la Coupe d'Europe quand j'entends ce discours. Non, mais d'accord. Mais fin, là, c'est quand même le début de saison. Quoi. Après, faut pas non plus s'enflammer. Et de toute façon, Bordeaux, on sait très bien. Ça fait plusieurs années, le problème récurrent, c'est que dès qu'on mène, on n'arrive pas à jouer offensif. On est toujours à se rabattre derrière et après, on n'arrive pas à jouer. Après, vous parlez de jouer défensif, je vous rappelle, ça a fait débat, mais l'action juste avant où il devait y avoir corner, ça veut dire qu'on était sur phase offensive, c'est presque un contre, voilà, derrière. Donc, ça veut dire qu'on jouait quand même. On n'était pas recroquevillé dans notre camp. Non, non, mais là où c'est faux, c'est qu'on a un joueur qui est parti tailler un ballon et obtenir un corner. C'est réellement ce qui se passe. Elle est mise en profondeur pour Camano. Oui, tu joues en contre, donc tu subis. Enfin, mais ils n'ont pas eu une occasion. C'est pas que ça, quoi. Mais c'est un ensemble. Mais après, j'ai du mal à comprendre, en fait, ce pessimisme en disant le match a été dégueulasse. Non, tu peux pas dire autre chose que ce match a été pauvre techniquement. Si tu regardes sur ensemble, la première mi-temps, est-ce que tu peux me laisser parler? Je te réponds. Non, mais la question, je t'ai pas encore posé la question. Est-ce que tu peux dire clairement que le match a été propre techniquement? La première mi-temps n'est pas bonne. La seconde mi-temps, sur le pas placement... Pas que Bordeaux, je te parle du match. Le match était plaisant. Mais t'as vu plusieurs matchs ce week-end de Ligue 1 ou pas? J'ai vu notamment... Est-ce que tu peux dire... Notamment Lille-Nantes. Lille-Nantes, alors on dit oui, techniquement c'est génial. Sauf que tu regardes les 20 premières minutes, il y a deux blocs qui s'affrontent et aucune équipe n'arrive à vraiment poser le pied sur le ballon. Mais tu rigoles quoi. Lille-Nantes, c'était un super match. Mais après... nous, en deuxième mi-temps, ce qu'il fallait regarder aussi, c'est se dire, tiens, on arrivait à se mettre en place, à avoir un bloc, à avoir une maîtrise du ballon. Oui, honnêtement, physiquement, on a tenu, franchement, ce que je pensais pas qu'on a été capable de faire, jeudi, vendredi, quand on a fait l'émission, physiquement, on a tenu la dragée haute à Angers. On a juste craqué à la fin parce que Toko Ekambi a une puissance et une vélocité. Avec son entrée, ça a changé le cours du match. Et là, Marc, je suis pas forcément d'accord parce que quand tu es blessé mentalement, que tu arrives à 10 minutes de la fin du match, t'as forcément envie d'assurer les 3 points. Donc, forcément, tu as tendance à vouloir te protéger. Et je comprends le choix de Gourvenec. Après, ça a pas payé parce qu'en ce moment, on mange notre pain noir. Quand tu regardes les deux buts qu'on prend, le premier, la vieille déviation de Baptiste Guillaume du dessous de la cuisse qui arrive finalement à Fulgini. Ouais, mais c'est pas que ça, c'est toi tu vois la déviation, mais moi je vois tout le jeu avant où on se fait complètement bouffer sur avant. Côté gauche où on a sur notre côté droit on a un problème au niveau du soutien des ailiers par rapport à tes latéraux, on a un problème au centre du terrain où physiquement on a quand même du mal à être d'entrée dans le duel, il faut qu'on soit au bout d'un quart d'heure 20 minutes pour commencer à gagner des duels. On a un problème aussi pour finir les matchs. Non, il y a quand même de sérieux soucis. Et puis en plus, dans le développement des circuits de jeu, de l'initiative technique à proprement parler sur le match, il y a quand même une malcom dépendance pour créer les décalages au niveau des dribbles. C'est quand même hallucinant. On peut critiquer Camano. Il y en a certains qui trouvent que c'est dur. Moi, je vais juste justifier Camano. Je vais même pas parler de son occasion ratée, ça peut arriver à tout le monde. Mais par contre, Camano est juste stéréotypé. On sait très bien ce qu'il va faire. Il va faire son passement de jambe accélération. Aujourd'hui, il ne surprend plus personne. Défensivement, il ne fait plus les efforts. Donc, il y a quand même, à mon avis, il faut peut-être, le mettre en danger pour que peut-être lui arrive à se remettre un petit peu en question. Après, sur ce match-là, forcément déçu parce que tu perds 2 points, mais par rapport à vendredi, je suis très content qu'on ait marqué un point parce que au moins tu te remets pas à l'endroit et tu prends un peu de d'honneur, tu reprends un peu de fierté en te disant voilà quoi, on n'est pas ok, on s'est chié dessus, ok, on a raté face à Vidéotron, mais là sur la Ligue 1 c'est une autre compétition. et on est des bonhommes et on y va. Après, sur le jeu, forcément, on a été fébrile et franchement imparfait, mais bon. Mais après, ce qui est intéressant, en fait, vu qu'au niveau de la prestation globale, c'est sûr que c'est une prestation moyenne de ce qu'on aurait fait l'an dernier. Après, quand on regarde, on a retrouvé au milieu les Ragger en 6 pour moi, et Gourvennec a. C'est pas un 6, le Ragger. Il est meilleur ailleurs. Mais, il peut bien dépanner quand même. Mais en 6, il est bon. En 6, il est bon. Et Gourvennec a eu raison en disant les Ragger, on l'a pas eu à vide autant. Ouais, mais le Ragger, il a trop tendance à se projeter. Et le problème, c'est quand t'as 3 milieux qui se projettent et qui ont tendance à aller presser haut. Ben, ça te crée des décalages et ça te crée des espaces entre ta défense et ton milieu. Mais et dans une Ligue 1 où soit tu es ultra talentueux comme les 6-7 premiers clubs qui sont rachetés, etc. Ou alors tu es hyper sérieux dans ton placement et dans ton bloc. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on est faillible dans ces... C'est ça qui est le problème aussi, c'est au niveau de la défense. Et même le match, même si j'ai trouvé intéressant le match Jovanovic, un qui m'inquiète sur la défense et qui devra se reprendre, c'est Sabali, qui même offensivement n'arrive pas à dédoubler avec Malcolm. Il y a eu quelques problèmes sur ça. Pelnar qui devrait être plus sérieux défensivement, mais offensivement par contre c'est pas ce qu'il a fait pour Camano et après Malcolm. Ça apporte autre chose, c'est intéressant. Mais il a peut-être le problème qu'ont eu beaucoup de latéraux à Bordeaux, c'est-à-dire qu'on oublie un peu de défendre et on part trop sur l'offensive. Donc ça, c'est des réglages à faire aussi. Mais c'est pas aussi catastrophique. Il faut des recrues. Il faut que la board retrouve son meilleur niveau de l'an dernier. Et Mendy, qu'il faut souligner, même s'il a marqué, c'est intéressant qu'il ait marqué, il y a une amélioration et c'est pas un joueur qui nous satisfera à ce niveau-là. Il faudra qu'il progresse. De toute façon, Gourvennec l'a dit. Donc, on a fait un petit sondage sur Journal Analyse pour le beat du match et pour le bon rôle du match. Donc, pour 50%, vous élisez 100 carrés. En étant le bon drôle du match devant Costil qui 28%, Lohrager 15% et Malcolm 7%. En beat du match, vous élisez Camano à 47%, Sabali qui suit à 28%, Toulalan à 20% et Jovanovic à 6%. Quand même, Camano, je peux comprendre. C'est une déception. C'est une déception. Mais quand le personnage, quand même, apporte une passe décisive sur le but de Sankaré, il fait quand même une part du job. Et là, il y a des conservations de balles sur le côté aussi. En fait, c'est que tu t'attends à quelque chose de grand. Parce que l'année dernière, il nous a fait rêver, on va dire. Comme Malcolm. Moi, il m'a pas fait rêver l'année dernière. Non, d'accord, mais je veux dire quoi, il t'apporte. Mais en fait, le truc, c'est qu'on a. On a été déçus, alors que pourtant, il y a des joueurs de Bordeaux, si tu regardes bien, on a entendu moins d'eux et du coup, on les a trouvés moins mauvais. Mais Malcolm, fond, ils ont été aussi... Malcolm, je comprends pas que Malcolm arrive à passer à travers les mailles du filet et il fait pas un match exceptionnel non plus. Non, on l'a pas trop vu. Par contre, moi, je voulais souligner vraiment le. Enfin, je vais peut-être me faire insulter et autres, mais j'ai trouvé quand même que Mendy a fait un bon match. On l'a pas vu. Dégueulasse. Merci. On l'a pas vu. D'accord, on l'a pas vu au niveau des actions, on l'a pas vu au niveau de tout ça. Mais il a fait un travail dans l'ombre qui était quand même important. Il a pesé sur la défense. Il a fait quand même descendre la défense, laissant des espaces à Malcolm et Camano et toute la première mi-temps. Pour faire les passes décisives sur les buts. Voilà. Et franchement, je trouve, même si techniquement il est très très limité au niveau de tout ce qui est grâce au travail de Mendy fait en attaque, il a libéré les espaces pour Camano et Malcolm qui ont amené les passes décisives sur les deux buts. Je suis désolé. Non mais juste quand ton joueur de l'ombre de l'équipe c'est ton attaquant, ça craint. Non mais je m'en fous de ça. Mais à partir du moment où le travail fait par l'attaquant lui-même marque un but et il fait du travail pour les deux passes décisives. Si tu prends que les stats, encore une fois, il est dégueulasse sur les stats, d'accord, mais il a fait un minimum de job. Mais il a fait le match. Il peut être meilleur. Non, la question c'est, il peut être meilleur. Il peut être meilleur, mais ce qui est intéressant dans le match hier de Mendy, c'est, et même dans ses rentrées, c'est qu'on voit pourquoi Gourvennec l'a recruté. Ça veut dire que c'est un joueur d'appui. On n'a pas ce style de joueur. Mais qui sera très intéressant pour moi, pas forcément dans un 4-3-3, mais plus dans un 4-4-2. C'est-à-dire avec un joueur qui tourne autour, un attaquant. Mais vous déconnez, il a non, été, mais prends son micro, tu vois. Horrible, sérieux. Enfin, stop. Vous pouvez pas me dire. Non, mais en si, plus, on va parler de Mendy. On va parler de Mendy. Non, mais Marc, c'est pas parce que t'as pas un avis bloqué sur lui que forcément non, on doit ça... pas avoir un non, même avis. Parce que vous avez pas un avis bloqué. Enfin, je veux dire, si moi j'ai un avis bloqué, les enfants, si moi j'ai un avis bloqué en disant que Mendy a fait un mauvais match, vous avez le même avis bloqué en disant que Mendy a fait un bon match. Non, on n'a pas dit que Mendy a fait un bon match. On a dit qu'à défaut d'avoir un bon attaquant, il ne fait pas un pire travail que Laborde. Et à défaut, avec Laborde et Mendy, Mendy, lui, à valeur égale, alors, a marqué un but et a fait des décalages. On n'a pas décidé ce que n'a pas fait Laborde. J'ai l'impression point que... Mais arrêtez de dire il n'a pas fait. On dirait que Laborde n'a jamais fait ça. C'est ça non, qui m'énerve. Non, mais depuis le début de la saison. Mais il y a eu deux matchs. Mais il a joué 45 matchs. Minutes et une heure. Pourquoi on ne laisserait pas le temps à Mendy? Mendy l'a fait aussi. Mais parce que c'est vrai que... Alors, je vais le conclure. Alors, je vais le faire et ça va être non, très tu simple. Vas pas conclure parce que je vais pas conclure. Mendy, quand tu parles aux supporters guingampés, tout le monde, mais non, tous les supporters guingampés le trouvent dégueulasse. C'est une première chose. Sans carré à Lille, lors des matchs amicaux, que vous n'avez pas dû voir. La Corogne, ils le trouvaient tous dégueulasse. Lors des matchs amicaux que vous n'avez pas dû voir, il ratait les contrôles, il ratait ses face à face et il était tout le temps en jeu. Donc moi, je suis désolé, j'ai vu les matchs amicaux, il n'a pas été bon. Ensuite, t'en as vu un. On me parle. J'en ai vu deux. Ouh là là! J'en ai vu deux et j'ai vu trois un parties. Ça laguait. Trois fins. J'ai vu les deux fins des autres. Ce qui est bien, c'est que c'était sur YouTube et que j'ai pu au moins voir certaines choses. Ensuite, sur le match côté perdu là, en Hongrie ou je sais plus trop où, moi j'ai vu personne de bon c'est sur ce match-là. C'est pas un bon match. On a juste noté sa combativité. Voilà. Le mec s'est battu. Nuance. Ouais, excuse-moi. C'est ce qui était déjà pas mal. Des joueurs qui se battaient, il y avait Yambéré, ça n'a pas fait un joueur de foot. Ouais, ensuite, grâce à Yambéré, Pungé, qui était qualifié Pungé, en Kazakhstan. Oui, mais Pungé se bat aussi, personne ne veut le voir sur un terrain. Pourtant, il est vaillant comme garçon. Ensuite, on va parler du match. Moi, je suis désolé, je ne l'ai pas vu. Quand je l'ai vu sur des ballons, il était hors jeu, quand même trois fois. Quand je l'ai vu avec le ballon dans les pieds, il perdait trois quarts du temps ou il ratait une passe sur deux. Mais d'accord, donc vous mais tu pouvez lui demandes me dire pas ça, tu demandes pas ça. Ah non, c'est vrai qu'un attaquant dans notre football, dans notre football, dans notre schéma, je peux pas demander à mon attaquant qu'il soit juste devant les cages en train de faire le campeur pour qu'il la mette au fond juste à la moi fin. Moi, s'il fait ça, ça me va. Je suis désolé. Mais le problème, c'est que tu dis que ça ira. Sauf que le jour où tu vas jouer Angers, ça passe parce que Kamano et Malcolm et Vadat feront la différence. Le jour où tu vas jouer Paris, Nice, Lille. Mais il nous faudra un autre attaquant. Mais il faut un autre attaquant, mais c'est sûr, parce que le match n'est pas bon. Le match en l'état n'est pas bon. Il n'apporte rien dans le jeu. Les remises sont pourries. Il rate une passe sur deux. Il perd un ballon, il perd 4 ballons sur 5. Moi je suis désolé. Alors vous êtes content, bon, il a marqué. Mais le but qu'il a marqué, ma grand-mère est nommée. Marc, à un moment donné, c'est aussi, on a le droit de parler. On a le droit de parler aussi. Voilà, exactement. Donc Cyril, vas-y. Non, mais parce que bon, sur Mendy, ok, je comprends ce que tu dis, je comprends ce que dit Marc. Après, c'est vrai que j'ai un peu de mal, moi, avec Mendy. Il abat un gros travail. Il pèse sur la défense, il cale des ballons, il est tout le temps en train d'avoir des duels. Mais dans son placement et dans son jeu sans ballon, il est quand même très très faible. On n'a rien d'autre. Ouais, mais voilà. Qui est meilleur. Mais Marc, il est peut-être meilleur dans le jeu, mais niveau efficacité, ce qu'on demande à Laborde, c'est de marquer des buts. Le problème, c'est que vous me parlez d'efficacité. Et contre Vidéoton, il n'a pas fait. Mais oui, mais sur un match, Kamano, vous me l'avez défendu parce que sur un match, il s'est raté. Moi, ce que je vous dis, c'est que niveau stats, les deux, ils ont les mêmes ratios de buts marqués par minute de jeu. Par contre, dans le jeu, il y en a un qui est meilleur. Laisse terminer Cyril. Donc voilà, mais bon, après, sur un match, bon, mais Gourvenec tente Mendy, sûrement pour faire réfléchir Laborde et pour le faire souffler. Mais c'est clair que aujourd'hui à Bordeaux on a besoin d'un attaquant avoir un pivot physique qui n'a pas forcément de couverture de balle qui soit d'excellent niveau, si t'as pas ça en Ligue 1, ça sert à rien d'être un pivot. Si tu n'as pas un bagage technique suffisant pour caler les ballons, parce que le travail le fait. Il est vraiment sur le front de l'attaque, à être au duel avec Tancas. Il court, il fait les appels. Du coup, ça libère les espaces pour les Kamano et Malcolm. Évidemment, dans tout ce qui est travail de l'ombre et dans tout ce qui est travail ingrat, il est même meilleur que Laborde. Parce que clairement, Mendy, dans les duels aériens et tout, il est vraiment vaillant. Et il a un plus gros physique. Il a un plus gros physique. Mais le vrai problème qu'il y a, c'est que pour avoir un attaquant de ce profil-là, il te faut un minimum de bagage technique. Et le problème, c'est que Mendy, je veux pas être méchant avec lui. Ah bah, mais footballistiquement, il doit travailler. Il est limité. Et puis il est jeune, il a coûté 600 000 euros. Il a 23 ans. Il est quand même de l'âge de la Borde, hein, les gars. Donc voilà. Mais on s'enflamme, on dit comme il y en a et qui se scandalise. Mendy, il a coûté 600 000. C'est vraiment une opportunité. Soit 375 fois moins que Neymar. Et je comprends. Mais voilà, c'est un joueur qui peut t'apporter et qui a coûté presque rien. Après, il faut arrêter de toujours vouloir opposer Laborde ou Mendy. Voilà. C'est pas le même style de joueur déjà, parce que Laborde est un joueur qui sera intéressant vu qu'il peut apporter cet impact, ce travail défensif et tout ça. Et puis même Laborde est bon dans l'axe et à gauche, il pourrait jouer aussi. Hein, ouais. Laborde. Il faut pas oublier qu'on a cette possibilité de faire jouer Laborde à gauche. Et il y a Curieux 40 qui disait mais pourquoi pas essayer Touré en pointe aussi. Parce que Touré de haut but, c'est un peu limité quand même. Mais t'as un autre style de jeu. Ça veut dire que c'est un jeu où t'es obligé de jouer plus en passe. Quand Nice joue avec Pléa, c'est pas de haut jeu. Pourquoi j'ai beaucoup râlé sur les réseaux sociaux, et je sais que ça vous fait bondir. Le match de Mendy en soi, je le trouve pas bon. La rentrée de Laborde, je la trouve aussi dégueulasse. Et quand je vous cite toujours les stats, je regarde aussi les stats de Laborde et je vois que les entrées sont les mêmes. Franchement, il touche juste. Ouais. Vachement plus de ballons à la minute que notre cher Mendy. Ça quand même donne une idée de la disponibilité de la personne, mais ils en perdent autant chacun au nombre de ballons touchés. Enfin, les deux rentrées, pour moi, les deux n'ont pas bien joué, hein, soyons clairs. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est le raccourci. Il a marqué, donc il a fait un bon match. Non, c'est ça. Non, mais on n'a pas dit ça. Alors que vous l'ayez pas dit. Non. Moi j'ai dit qu'il a fait un mauvais match. Il a marqué, ça me suffit, c'est pareil. Hein. Il a fait le job d'attaquant. Non. C'est ça. Quand un attaquant marque, il fait son boulot et c'est intéressant. Non, parce qu'on est plus en 90 ou en 2000 où tu jouais avec deux attaquants de pointe et t'avais un buteur. Ce principe-là, il n'existe plus. Aujourd'hui, vous pouvez me prendre tous les attaquants qui jouent encore à l'actuel, parce que ce départ, je l'ai vu. Lewandowski, Bayern. Ben ouais, mais Lewandowski, il participe gavé au jeu. Attends, mais le mec, il finit deuxième meilleur buteur de Bundesliga. Mais oui. Mais non, mais le problème, c'est que vous prenez Lewandowski. Je vous dis juste que dans le football moderne. Je te prends Higuain. Il participe pas du tout au jeu. Je trouve qu'il est surpayé. Je trouve que si la Juve en Ligue des Champions. Si la Juve veut passer un cap en Ligue des Champions, il va falloir un autre joueur. C'est un peu le même principe que pour Zlatan. Zlatan, il était très fort en Ligue 1, il défonçait tout le monde. Il pouvait marcher sur le terrain, ça n'avait aucun souci. Dès qu'il a fallu, dans les matchs importants de Ligue des Champions, être là, il n'était jamais là. C'est pas comparable, c'est l'aura du joueur qui fait que c'est un bon joueur. Donc, arrive un moment, je considère qu'un joueur, un attaquant, il ne fait pas un bon match juste parce qu'il marque. Il peut faire un mauvais match. Il peut faire un mauvais match. Non, mais non, parce que... On a dit qu'il a pas fait un mauvais match. Je répète, et Panzo, prends pas tout pour toi. Il y en a qui m'ont dit, texto, il a marqué, ça me suffit, c'est ce que je demande en premier à un attaquant. Il a marqué, c'est bien, mais c'est pas suffisant. S'il rate toutes ses occasions, ça fait forcément un mauvais match. Alors le problème, à l'heure actuelle, c'est que comme on n'a pas. S'il marque un but par match où il joue, ça me va. Voilà, aussi il y a ça. Il y a ça, et il y a le fait qu'à l'heure actuelle, on a un problème, c'est qu'on a Laborde en 9, on a Mendy en 9, on a personne d'autre. Donc on a une urgence dans le recrutement d'un numéro 9. Le problème, c'est Roland. Roland, on a jusqu'au 31 août pour le vendre, donc il nous reste à peu près 3 semaines. Si le joueur ne part pas et qu'il lui reste un an de contrat, il va certes partir libre à la fin de l'année prochaine, en juin. Mais il faudra à un moment donné le faire jouer. Mais quand bien même on le fait pas jouer, on a Laborde, on a Mendy, et faute de mieux, on fait jouer le meilleur des deux. Et avec des stats dégueulasses tous les deux, je préfère prendre celui qui a les stats dégueulasses mais qui marque un but. Voilà, c'est tout. Mais sinon, j'attends un attaquant. Vu qu'on parle de attaquant et tout ça, ce qui est intéressant, et un joueur dont on n'a pas parlé encore, mais il faut en parler vu que c'est quand même entre guillemets phénoménal, et pour un milieu c'est assez rare, Sankaré qui replante un but encore, ça fait 5 buts sur les 5 derniers matchs qu'il a fait avec Bordeaux, c'est ça. Et il doit être à 8 buts 3 passes D en 20 matchs avec Bordeaux ou 21 matchs, donc c'est intéressant. Et exact, si tu veux. Voilà, c'est enfin dans notre jeu, dans notre 4-3-3, s'il y a un point à retenir, voire deux, c'est nos latéraux, nos milieux qui sont intéressants et quand ils se projettent à l'image de Sankaré, nos ailiers qui sont bons mais qui pourraient être encore meilleurs s'ils arrivaient à combiner avec leurs latéraux, parce que contre Angers, ce qui a vraiment marqué pour moi, Sabali et Malcolm l'an dernier, c'était vraiment le feu, ils combinaient tout le temps, et là on a eu du mal à combiner, alors que dans l'axe Sabali ressort de préparation, c'est et peut-être que Sabali a peut-être plus les cannes pour faire les appels, et donc du coup ça marche moins bien, mais tout simplement ça peut être cette explication là et Sabali l'année dernière d'ailleurs, quand il a eu son petit coup où il était blessé, il a été remplacé assez brillamment par Gagic, et Gaïc et Malcolm avaient aussi très très bien fonctionné. Donc après, s'il faut faire souffler un match ou deux Sabali pour mettre Gaïc à droite, pourquoi pas non plus, hein. Et puis Malcolm, je l'aime beaucoup, mais Malcolm est très inconstant, c'est-à-dire qu'il est capable de faire un super match et de passer à côté. Il va falloir aussi qu'il apprenne à défendre un même match capable de faire 30 bonnes minutes, disparaître. C'est des trios défensifs, et le problème c'est que pour l'instant on le remarque plus à gauche, parce que à gauche c'est Contento qui trinque, et que gauche, bon, mais Contento, mais on y viendra sur Malcolm. Mais à un moment donné, on va y arriver. Oui. Mais forcément, c'est tout est histoire d'équilibre, et le problème, c'est que physiquement, nos joueurs, ils sont à la traîne. Au niveau de l'effectif, on a des manques, parce qu'on note le manque du 9, mais on peut noter le manque d'un ailier, d'un 6, d'un arrière gauche et d'un défenseur central. Ça fait quasiment 5 postes où on est en défaillance. Le défenseur central, on en a toujours pas parlé, de l'axe central, mais Toulalan Jovanovic, ça ne marche toujours pas aussi. Et c'est comme Toulalan Levchuk, il y a quand même un manque de lecture et de vitesse. Ouais. Ça marchera pas en un match, c'est le souci. Oui, ça marchera pas en un match. Avant qu'une paire de défenseurs centrales trouve leurs automatismes, vous comptez une dizaine de matchs. C'est ce qui me gêne dans le choix de mettre Toulalan en DC, c'est que ça va mettre du temps avant de marcher. Oui, mais bon, on compte les buts. Alors, sur le premier but, ok, il y a une défaillance, le ballon il est contré, mais t'as quand même ta défense centrale qui filme. Ouais. Sur Toko Ekambi, Jovanovic monte pas sur. T'as Pennard qui monte pas, il s'en carré non plus. Sur Toko Ekambi. C'est Pennard, je crois. Non, Pennard est pris de vitesse, mais Jovanovic monte pas sur Toko Ekambi. Et Toulalan ne couvre pas Guillaume. Donc, t'as quand même une défense centrale qui filme. Ouais, complètement. C'était pas rare de voir sur les coups de pied arrêtés, notamment contre Vidéotan. Donc, c'était avec les Chouk, des problèmes de placement et de complémentarité au niveau positionnement sur tes corners et sur tes coups de pied arrêtés. Il y a quand même un gros doute. Et j'espère que l'arrivée d'Otavio va venir un petit peu stabiliser ça. Défensivement. Mais sur ton trident, parce que. Moi, je ne peux pas parler de défense centrale sans lier ton milieu défensif. Ouais. On a vraiment un problème dans ce cœur du jeu. Et on a un problème de rapidité qu'on n'espérait pas lier avec Jovanovic. J'espère qu'il va apporter cette rapidité-là pour compenser un petit peu le manque de rapidité de Toulalan, parce que c'est criant sur tout le match d'Angers et de Vidéoton. Par contre, il va falloir qu'il se mette vite au niveau aussi, parce qu'on l'a vu sur le second but angevin. C'est toute la défense bordelaise qui a été prise de vitesse. Moi, je l'ai vu en live. Je me suis dit, dès qu'il partait du milieu de terrain, j'ai vu directement que ça allait faire but, qu'on était pris de vitesse dans le dos sur le couloir droit. Mais parce que, comme disait monsieur, on a eu Ménez juste avant qui nous disait que Toulalan n'avait pas forcément le coffre pour être numéro 6. Exactement. Numéro 6, ok, il te faut du coffre, il te faut de l'endurance. Mais défenseur central, tu te prends des gamins de 20 ans qui courent le 100 mètres en 10 secondes. Surtout quand t'as le ballon. Quand t'as du mal à suivre Toko Ekambi, qu'est-ce qui va arriver quand tu vas te prendre Mbappé, que tu vas te prendre Neymar, que tu vas te prendre... Et ça a été le cas la semaine dernière à Vidéoton face à Anti. Voilà. Même profil, jeune, rapide, et il lui a mis une tempête pendant 80 minutes. Mais on parle de notre défense centrale, il ne faut pas oublier qu'ils sont, notamment sur le premier but, il y a un dédoublement qui est fait sur le côté de Savali, et sur le deuxième, ça vient aussi un peu du côté de Pelnard. On a aussi un problème sur nos côtés. Même le but qu'on prend chez nous de Vidéoton, c'est un centre qui vient sur le côté et encore un dédoublement. C'est-à-dire que c'est vraiment l'animation défensive qui est un problème d'équilibre à couvrir les joueurs, soit sur le côté. Et puis, il y a le premier rideau, justement, défensif de la part des attaquants, donc de Camano et de Malcolm. Donc, comme tu dis, sur un côté, à Camano et à Malcolm de venir de faire compenser quand Sabali ou de l'autre côté, Contento ou Pelnard quand il joue, sur son travail défensif. Alors, moi j'ai une question justement à vous poser, parce qu'on parle de ces problèmes de cohérence dans le jeu, etc. Et moi il y a quelque chose aussi qui m'a... Le premier but qu'on prend, Sabali a fait un mauvais match, j'ai pas problème pour le dire. Par contre, le repli défensif de Malcolm et de Camano de l'autre côté, pour moi c'est insuffisant. Défensivement c'est trop faible. pourquoi, et j'aimerais qu'on... Je vais vous proposer une compo et j'aimerais qu'on en parle plutôt dans la perception de l'idée qu'on pourrait se faire aussi du jeu bordelais. Parce qu'aujourd'hui, le jeu de bordelais, c'est quoi? C'est un attaquant de pointe, mais qui va soit trop se dépenser et perdre en lucidité, soit un attaquant qui ne sait que marquer. On n'aura pas le prix pour aller chercher un mec qui sait faire les deux. On a des joueurs sur les côtés, mais qui au final quand même donnent un jeu très stéréotypé. Malcolm un peu moins, mais en ce moment Malcolm, on le voit faire un crochet et faire un long ballon de l'autre côté pour Camano. Camano, les dribbles sont souvent les mêmes, je piétine, je décale à droite et j'ouvre l'intérieur du pied droit. Vada est trop souvent en train de faire la liaison entre le milieu défensif et l'attaque. Il parcourt un nombre de kilomètres important, il a du mal à être lucide en fin de match. Donc justement, on a quand même des joueurs qui ont une certaine force. On a des joueurs qui savent jouer dos au but et qui physiquement ont du répondant, que ce soit Mendy ou Laborde. On a un Malcolm qui techniquement est au-dessus et qui est un vrai électron libre qui pourrait être efficace devant les buts. Et on a un Vada qui est très bon à la construction de jeu. Je vous propose un effectif à partir d'aujourd'hui en comptant Octavio. La défense, je vais mettre la même que celle qu'on a vue contre Angers. Je considère qu'au final, l'intérêt de cette compo n'est pas celui-là. Par contre, milieu à 3 avec un Octavio vraiment devant la défense et un Sankaré et Lohrager à l'animation. Je dis bien à l'animation du relais, c'est-à-dire deux joueurs qui vont se projeter vers l'avant, qui vont prendre le couloir à droite ou à gauche pour accompagner les montées de Pelnar et de Sabali et qui vont aussi défensivement être capables de venir aider les latéraux et couvrir un latéraux, ce que Malcolm et Stan ne savent pas faire. Ensuite, je mets Vada en 10, mais un vrai 10, animateur du jeu entre la ligne de relayeur et l'attaque. Quelqu'un qui sait se placer au milieu des lignes et qui sait faire les passes qui transpercent. Un Laborde en pointe, ou Mendy, vous faites comme vous voulez, et un Malcolm qui tourne autour. Quand je dis un Malcolm qui tourne autour, j'entends un Malcolm qui prend la profondeur, qui par ses qualités techniques est capable de décrocher, de se mettre sur l'autre pied, de centrer, d'apporter un dédoublement, et avec le premier latéraux et avec le deuxième. Je pense aussi que ça peut être une alternative dans le jeu bordelais qui corrigerait des problèmes défensifs sur la récupération, sur nos latéraux où je me trouve fébrile et qui viendrait aussi dans l'axe apporter une vraie solution à notre paire défensive et qui libérerait l'animation bordelaise qui je trouve aujourd'hui très stéréotypée et qui, soyons clairs, depuis 10 matchs, ne surprend plus personne. Parce que notre mois d'avril et notre mois de mai, on dit qu'on a fait un très bon 2017, ce qui est vrai, mais notre fin de deuxième partie de saison, elle est poussive. Ouais. On gagne pas Dijon, on gagne pas Angers, Nice, je vais le compter à part, Saint-Etienne, on fait pas un bon match, ouais. Marseille, c'est pareil, Lorient, on gagne pas. Donc au final, ne soyons pas surpris de Vidéoton et d'Angers, on est sur la même lignée, sur le même dynamisme, avec le même jeu stéréotypé. Après, si dans ta compo, ta compo va dans 10, je suis pas sûr. Je mettrais plus Malcolm en 10 et un autre attaquant à la place, peut-être même Touré ou. Un duo Mendy Laborde, compliqué. C'est trop de mais quelqu'un. Alors, on l'a dans l'effectif, c'est bête, hein. Quelqu'un qui est bon en 4-4-2. Seul problème, il veut partir ou on sait pas. Oui, il c'est il Roland choisit. Qui tourne, Roland en 4-4-2, on sait que c'est le meilleur schéma de jeu pour lui. C'est là où il a pu le mieux s'exprimer, notamment quand il y avait Tellin à côté de lui. Donc ça peut être intéressant ce que ta compo, mais Vada en 10, mais rien n'empêche que dans l'animation du 4-3-3 et il y avait les chroniques tactiques qu'il avait montré que Malcolm puisse se muer en sorte de meneur de jeu, notamment grâce à un Lehrager plus haut et qui prend le couloir, ou même avec un latéral qui prend le couloir, du coup, qui occupe la partie haute du côté droit, et Malcolm puisse se recentrer. Mais Malcolm en 10 va perdre un petit peu sa capacité de percussion qu'il peut avoir sur l'aile, alors que Vada, comme le disait Marc, j'ai souvenir dans les équipes de jeunes, déjà quand il était au Proyecto Cresser et quand il est arrivé chez nous, qu'il n'avait pas encore son passeport, il faisait ses entraînements et compagnie, quand il n'avait pas l'autorisation de jouer de la part de la FIFA, on voyait en lui le futur Messi. Alors à l'époque, bon voilà, il jouait pas sur la ligne quoi que ce soit, mais il jouait en tant que numéro 10. Il était 8 assez haut, voire 10. Je veux pas 10, il jouait 9,5. Oui, mais il tournait. Oui, non, mais ça veut, il tourne autour d'un attaquant. Donc 9,5, 10, c'est comme Gourcuff à Soucha, mec. Il faut savoir que Verda, à la base, il n'aime pas le défendre. Donc voilà. Oui, voilà, donc moi je pense. Batiston lui a un Je pense ça. Que du coup, la volonté, enfin du moins le choix de Marc de positionner Vada en numéro 10, ça peut Batiston, être quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il a déjà joué à ce poste-là dans les postes étant plus jeune. Et 9,5, ça se rejoint, ça tourne autour de l'attaquant. Ça peut être pas mal. Après je pense que Gourvenec a des idées bien arrêtées sur son 4-3-3. Le poste de 10 est un peu même 9,5, il faudrait vraiment une pointe très performante. Et puis Vada, est-ce qu'il est assez costaud même dans les duels et tout ça pour être aller vers avant et être efficace, parce que on parle d'un joueur efficace et tout ça, mais quelqu'un qui est efficace et qui est au milieu de Sankaré, alors il distribue pas, c'est pas un meneur de jeu, c'est pas un meneur de jeu. Sankaré, c'est du physique, mais c'est pas du foot. Mais en attendant, il marque parce qu'il se projette. Ouais, mais je m'en branle. Alors tu critiques Mendy parce qu'il marque, mais non, j'ai jamais dit ça. C'est Marc qui a critiqué. Mais Sankaré. Sankaré, il apporte. On peut pas dire qu'on s'en fout. Non, mais on peut pas dire qu'on s'en fout quand l'autre il marque but sur but. Il apporte. Non, mais tu écoutes pas ce que je te dis. Oui, okay, non, mais physiquement, il apporte. Oui. Ce n'est pas la touche tactique technique de notre. Voilà, mais de le notre problème, équipe. C'est que dans cette équipe-là, tu n'as aucune touche technique. Alors, tu as Malcolm qui est un petit peu technique, mais au niveau Ligue 1, finalement, il devient le milieu de panier, voire un peu plus. Mais voilà, mais après le mettre dans l'axe, c'est carrément se priver de sa percussion et de sa capacité à créer des décalages en rentrant sur son pied gauche. Oui, c'est ça. Et puis le problème d'avoir un Malcolm, c'est que devant, si tu le mets en pointe à côté de quelqu'un, il faut que t'aies quelqu'un qui finisse les actions. Pas, oui. C'est tout simplement, mais t'as par pas contre, de finisseur. Là, si c'est un 4-4-2 comme ça, Malcolm, s'il est joué 10, ça nous rappelle quand Kasri jouait 10, hein. Ça veut dire que c'est un joueur qui est libre. Avec un milieu en losange. Mais il losange. Était libre. Ça veut dire que sur le placement, c'était écrit, il était en pointe comme ça, mais une fois, il était à gauche et il reste à gauche. Il avait cette liberté de. Voilà, de, c'est ça. De c'est le joueur libre. Et sur les matchs, alors c'est notamment contre Angers. Après le gros problème, on sent que Malcolm commence à vouloir faire ça, c'est-à-dire avoir cette liberté et le gros problème d'Angers, le gros problème d'Angers, c'est le gros problème de Malcolm, c'est est-ce qu'il a encore envie. Va au bout de ton idée, Cyril. Est-ce qu'il a encore envie de jouer au Girondin, Malcolm? Ça, voilà. C'est une vraie question. Je pense. Donc l'idée de Cyril, clairement, c'est pour que moi, c'est qu'il veut Malcolm partir. Malcolm veut partir. Voilà. Non, je pense pas. Moi, je pense que Malcolm, avec la perte de l'Europe, il perd son temps en restant à Bordeaux. Est-ce que Malcolm veut pas partir? Moi, personnellement, Malcolm, il a 6 mois de Ligue 1 où il a été. Personnellement, il a oui, non, mois, je suis d'accord, un Kylian Mbappé à 6 mois de Ligue 1 avec de la Ligue des Champions, il a envie aussi de s'en aller de Monaco, ouais, c'est pas le sujet. C'est n'importe quoi. Mais à l'heure actuelle, effectivement, comme il dit Cyril, Malcolm, le projet qu'on avait pour Malcolm, on a eu des propositions qui voilà. Malcolm, c'est clairement le joueur qui on s'est dit. Il a un super potentiel, une valeur marchande de dingue. Il va faire une saison avec nous. On va se qualifier en Europe. Il va faire quelques bons matchs. Il va marquer des buts en Europe. Il va prendre un peu plus de plus-value. L'année prochaine, on le vendra à un bon club européen pour un gros montant. À l'heure actuelle, Malcolm, il s'est dit génial, je vais jouer l'Europe. Au final, il a joué 2 matchs aller-retour contre Vidéotron. Et il va se retaper une année de Ligue 1. Est-ce qu'il a pas des envies? C'est quelqu'un qui a de l'ambition. Pour quelqu'un qui a de l'ambition dans une carrière professionnelle. Moi, ce que je vois, c'est qu'il a encore couru. Contrairement à ce que dit Élise. Sur le chat, ok, Malcolm est aussi responsable de la défaite, mais Malcolm, il était scouté déjà quand il était au Fluminense, et à Bordeaux, exactement. Il a continué à apprendre, et il a de la valeur, et il est suivi. Et il est oui, très très suivi. Il est oui. suivi, mais. Et il est plus que suivi parce que Bordeaux, un des rares joueurs de Bordeaux qui a eu des offres. C'est bien Malcolm. Hors agent, hors. C'est-à-dire directement. Tout ce que tu essaies de vendre. C'est Malcolm. Un club qui se renseigne directement pour quelqu'un, c'est Malcolm. Oui. Et des, mais il y a eu des offres. Et des grosses offres. Après, ce qu'il faut comprendre et ce qui peut pencher dans la balance pour garder Malcolm et qu'il n'a pas forcément les envies de départ, c'est qu'il y a un groupe. Ça veut dire qu'il y a la communauté d'Amérique du Sud qui est là. Et ce groupe-là est en difficulté avec Gourvenec en ce moment. En ce moment, mais... ils ont envie d'être ensemble et de s'épanouir dans cette équipe. Donc je pense que c'est juste une mauvaise passe. Vous c'est sûr que ça elle arrive au mauvais moment pour conserver des joueurs qui ont du talent, comme Malcolm. s'il a une offre d'un club comme d'un top club européen qui joue la Ligue des d'un club qui joue la Ligue des Champions, c'est sûr que ça sera difficile de on a refusé des clubs de avant l'élimination bien sûr. Mais c'est une mauvaise passe à passer. Et je pense que Malcolm a la tête sur les épaules pour ne pas On enchaîne parce que c'est pas le nerf de la guerre. On verra ce qui se passe. Hein. Mais dans les semaines à venir, si vous, soyez pas trop étonnés si jamais il y a des bruits. Et comme dirait Menez, il reste encore 25 jours avant la fin du mercato, voilà. Donc attendons pour les départs et les arrivées. Et juste Bernie sur Twitter nous dit qu'il verrait aussi la même compo que ce que vous voyez actuel, le 4-3-3. La seule différence, c'est qu'on enlève la sentinelle, on met deux relayeurs et Vada en vrai 10 en soutien de l'attaquant. Donc limite un 4-5-1 ou un 4-4-2 avec limite Vada deuxième attaquant. Pierre Menez sur le chat, x2. Voilà. C'est parti pour le C'est Kiki. Il n'y a pas de jingle, les mes enfants, parce que il n'y a pas le CD. J'ai oublié à la maison avec l'ordinateur. Mais on va faire ça comme il faut. Faut le chanter si vous voulez. Allez, vas-y, c'est parti. 3, 4. Kiki de tous les Kiki, c'est le Kiki. Le meilleur ami de tous les enfants. Je me retourne, je te prends dans mon équipe. De tous les pays, tous les enfants. Otosi de Kiki, c'est mon Kiki. Et tous les mandors, tous les cuits, tous les soirs dans mon petit lit. Enfin, bref. Et est-ce qu'on garderait pas ce jingle finalement? Non. Non, du tout. Du tout. Juste sur le chat par rapport à la compo, Emric nous dit sur le papier c'est sexy, après sur le terrain c'est hyper exigeant tactiquement le losange. De moins en moins d'équipes le font. Bon, il y a eu plusieurs likes ou retweets, mais il y a aussi des avis contraires. Malcolm est pas assez constant pour être électron libre, à vouloir être partout, il risque d'être nulle part et se perdre dans ses dribbles, c'est ce qu'on nous dit Crashour. Jacquard nous dit perso je préfère Malcolm sur un côté droit pour entrer pied gauche et je trouve qu'on perd l'utilité de la percussion de nos côtés. Vada ça reste intéressant mais Malcolm Kamadou doit être sur un côté, c'est ce qu'on nous dit Jacquard. Et ensuite MD nous dit ultra intéressante, après on perd notre force sur les côtés mais j'aime beaucoup le système et Malcolm a déjà été très bon en 9,5. Messieurs, c'est parti pour le C'est Kiki. Vous êtes prêts? On fait les équipes Adrien, David contre Enzo et Cyril. Vous avez de quoi noter? C'est bon. Allez. Quel club a montré de l'intérêt pour Cheikh Diabaté? Fenerbahçe. Non. Un truc russe, Zénith. Non. Non. C'est quoi? Bolton. Locomotive. Non. Oui, Locomotive. Point pour Cyril. Bip, bip. Eh oui, les gars. J'ai rien suivi, juste avant. Mais moi, j'ai rien suivi. Qui a dit? Sur Twitter. Ah oui. Ah merde, pardon. Mais j'ai pas triché, je tiens à le dire. Ouais, il dit ça. Qui s'est triché, c'est Adrien. qui a dit, je regarde, hein, si jamais vous allez sur le chat, on rappelle, hein, si vous trouvez avant, c'est juste. Je crois qu'il me disait, ouais, je suis sur le chat. Allez. Qui a dit, Younous Sankaré affirme comme le moteur des Girondins en ce début de saison? Riolo. Menez. Alors attendez, faut que je vérifie, parce que c'est peut-être Riolo en effet. Je m'attendais à voir le... Riolo. En fait, vous êtes quoi? Mais il n'y a pas nom, bah c'est juste RMC, donc je ne vais pas la valider. Okay. Oh, génial. Qui a dit, c'est Rajan. Sankaré. Non. Tout la langue. On se fait rejoindre au score contre le cours du jeu parce qu'on avait bien géré cette Mendy. Seconde mi-temps. Mendy, c'est bip, ça. Bip, bip. Allez. Bon, on arrête. Qui a dit... On va monter d'un cran, on a mal entamé le match. Sabali. Gourvenec. Non, pardon, bip, bip. C'est pas Sambali. Dit, vous mettez la race. Non, c'est pas Sabali. C'est pas Sabali. Donc ne dis pas oui alors. Ben non. Non, ça commence c'est pas Sabali. Sankaré. Sankaré. Mais je l'ai dit. Non, je l'ai dit avant. Non, menteur. On va réécouter le replay. Listen, replay. Sur le chat, est-ce que vous avez entendu Adrien le dire? Oui, en même temps que Sabali. Si vous dites oui, vous êtes mort. Je mets le moins en suspens. Non, mais votre réaction fait que. Point accordé. À nous, bien sûr. À nous. Non, à Adrien. Ah. Sérieux? Oui. Qui a ça, dit parce qu'il a les cheveux frisés. Alex, c'était important qu'il ouvre son compteur. Gourvenec. J'ai dit en Enzo. Premier. Bip, bip. Non, sérieux, c'est qui a dit en premier? Non, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est juste que t'as gueulé. Mais alors, attends, je proteste parce qu'ils ont tous les deux un micro, on est obligé de se pencher, on perd du temps. Aucun doute, mais tu ne te penches pas, je t'en de la même façon sans le micro. Qui a dit, le fait d'être mené au score nous a un peu révolté? Non, parce qu'on a réussi à recoller. Sankaré. Moulin. Fulgini. Guillaume. Carl Tokwekambi. Non. Thomas. On a vécu un traumatisme jeudi. Costil. On est rentré à 4h du mat. Gourvenec. Gourvenec. Et ouais. Bah, on a dit Gourvenec. Non, vous l'avez pas dit. Si, je l'ai dit, Gourvenec. Arrête, tu viens de nous faire le coup d'avant. Non, mais je te promets. Non, non, non, mais t'as qu'à le dire à ses potes. C'est un délit de sale gueule et je suis désolé. Je quitte cette antenne. Non, non, tu l'as pas dit. C'est un délit de sale gueule. Tu l'as pas dit. Arrête de tricher. Parce que je suis noir. T'as quoi? Demande au chat, tu fais Gourvenec sans carré, ce joueur il n'existe pas. Gourvenec sans carré, il n'existe pas. T'as qu'à être, faire un joueur à un joueur et que je te réponde non. Non, parce que je dis non quand vous faites une truc. Mais t'as dit non? Non, mais j'ai dit non à sans carré. Gourvenec sans carré. Bah oui, non. Bah oui, j'ai pas entendu Gourvenec. Tu as qu'à être clair. Je travaille pour être plus régulier possible. Je suis en quête de progression. Kamano, Mendy, Sabali. Au fur et à mesure des matchs en pré-saison, je me sentais bien et là je me sens bien. Alexandre Maintenant, Mendy. Ce qui fait un très bon gardien, c'est la régularité. Costil. Je travaille pour ça, Prieur. Pour être plus régulier possible. Bernardoni. Bien. Oui, avec Clermont. Avec et je ne l'ai pas dit ça, hein, Bernardoni. Bernardoni. Et l'autre, il se joue le truc non, de l'injustice. Ça m'énerve, là. Question de rapidité. Je l'avais dit, Bernardoni. Qui a dit chat? Qui a dit? Je pense que les Girondins ont fait une très bonne affaire avec Octavio. Dominique Bélis. De quoi, Baileys? Baileys. C'est une bouteille d'alcool, ça. Confond pas, s'il te plaît. Interview que vous pourrez retrouver demain matin. Qui a ensuite dit la post fraîcheur, nous, elle nous a réchauffé. Moulin. Putain. Mais oui. Qui a dit j'adore toucher beaucoup de ballons et cela me plaît de jouer. Ouais, le ragueur. Oui, rajoute ça des me points. Plaît de jouer en 6. Sans carré. Qui a dit si je peux rassurer les supporters, le groupe est très bien dans l'état d'esprit. Martin. Gourvenec. Gourvenec. Bébé putain. Tu l'avais dit là, Gourvenec. J'ai dit il y a 10 minutes. Il y a Gourvenec, Martin. Qui a dit il y a un peu de déception car dans l'ensemble on a fait un bon match. Gourvenec. Sans carré. Tout l'allant. Sabali. Sabali. Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, avoir le score 2-2. Il faut que je compte mes petits bâtons. 2-2. Compte les petits bâtons. 2-2, Angers Bordeaux, 2-2. David et Adrien, ils ont 5. Et nous, on a 6. Non, ça c'est bien. On va gagner. Merci. Alors, attention. Ah, il triche. Il y a plusieurs questions. Ah bon? De quoi? Il y a plusieurs questions. Il y a qu'une seule réponse. Combien à Saint-Carré a-t-il joué de match avec les Girondins de Bordeaux depuis qu'il est là? 21. 24. 21, Cyril. C'est le kiki. Putain, je l'ai dit tout à l'heure. Combien de buts a-t-il marqué? 17. C'est bon, je l'ai entendu. Ah oui. C'est quoi, 8? Oui. Ah, merci, tu m'as tout donné tout à l'heure. Tu m'as même donné le nombre de passes décisives. Tiens, toi, t'es vraiment un gland. Hein. Transfert, remplacement, je prends Cyril dans mon équipe. Et combien de passes décisives? 3. 3, Adrien. Oui. Là, tu l'as donné par pitié parce qu'il a les cheveux frisés. Hein. Combien de cartons jaunes? 2. 5. 4. 1. 4, Adrien. Oui, Adrien. Ah, pourquoi j'ai dit ça? Combien de cartons rouges? 0. 1. Bip, bip. On l'a dit 0. Non, non, t'as dit 1 en plus. J'ai dit 0 tout à l'heure, dans le bar du coin là-bas. Et attention, combien de minutes a-t-il joué? Attends, on met un chiffre par... 2138. Vous mettez un chiffre. Voilà. Sérieux, je sais pas. Moi non plus. 69. Attends. Vous avez le nombre de matchs qu'il a joué. Pensez que le joueur a rarement été remplaçant quand même. Vous avez quand même donné le nombre de matchs. Soyez quand même assez intelligent. Vous devriez vous rapprocher du match. Non, oui. Alors attention, je vous invite quand même à bien réfléchir. Limite à sortir la calculatrice. Non, mais nous c'est écrit. Vous perdrez. Il faut le dire à l'antenne. Attendez, va t'asseoir. Et c'est de la radio, Adrien. Attention. Si tu le montres, les gens ne vont pas le voir. Mais tu me montreras ce que tu as dit aussi. Vous perdrez autant de points que vous avez d'écart avec son vrai. C'est vrai. On va être en négatif. On va être à moins 60. Vous serez en négatif, mais ça va changer totalement le score. Donc réfléchissez, vous avez donné le nombre de matchs qu'il a joué. Oui, c'est bon. Vous savez à peu près le nombre de minutes qu'il a participé. Attends, je sais. Mais 20. 21. Soyez pas bête. Réfléchissez un petit peu. Alors là, forcément, j'ai pas des matheux avec moi en studio. Moi, je trouve ça cohérent. Ce qui fait on a quand même un sacré temps de décalage entre les deux. Et bon, faudra les excuser, les pauvres, parce que vous comprenez, c'est un peu compliqué c'est bon. Pour eux. C'est bon, nous on est prêts. Alors, envoyez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Non, mais il faut le dire, mais je vais le dire. Mais c'est bon, okay. Vous avez fini. Alors, vous avez l'équipe de Cyril sélectionné 1760 minutes. 1700. C'est vrai? Ouais. Bon, ils ont gagné parce que c'était 1834. Putain, 1837. Putain, vous êtes vraiment. Alors, je tiens à dire que j'avais écrit 1835. 21 fois 90, les amis. Ça fait 1900. Il est pas sorti. 1890. Il est quasiment peu sorti. Sorti. Alors, je tiens à dire que c'est la réflexion que j'ai fait à Adrien. Et Adrien m'a dit, mais non, on va mettre 1700. Vous en aviez quelques minutes parce qu'il a dû sortir 2-3 fois, mais c'était suffisant. Non, mais c'est pas, on prend un point. Voilà. Non, mais tu prends pas un point, mais je vais pas faire une soustraction. Vous aviez de l'avance, ils ont fait un plus gros écart. Donc on a gagné au moins de 50 points, quoi. Voilà, vous avez bien raclé à ce cher monsieur. Non, mais y a pas une... De toute façon, moi, Adrien, c'est Charles Camporo qui me l'a imposé, et moi, je ne voulais pas dans mon équipe, donc je demande qu'il dégage le mercato. Je vous remercie d'avoir été présent à l'écoute de Journalistes. Vous avez été très, très nombreux ce soir. On espère que vous avez apprécié les deux interviews qu'on a réalisées. On remercie nos invités avec Dominique Bailis, je vais y arriver, et Pierre Ménez. Vous retrouverez les retranscriptions écrites et les podcasts sur Girondin Analyse dans sur la journée de demain, avec peut-être un petit peu peut-être demain sur Girondin 33. Sur Girondin 33, on remercie Cyprien, la Tribune Gold, de nous avoir fait le podcast ce soir puisque j'avais oublié tout mon matériel. Passez une bonne soirée, sortez couverts, et celui qui ne boit, c'est celui qui ne fume pas. Celui qui boit, c'est celui qui ne fume pas. Et qui n'entend pas d'émission. Alors toi, c'est bon, toi. Vous avez une idée de quel est en rentre. Celui qui boit, c'est celui qui ne conduit pas. Sortez couverts, on les a tous fait. Moi, une pensée pour Léa Manon et son genou. Ouais. C'est tout. Le mec, il drague, voilà. Mais non, je drague pas, mais excuse-moi, pensez aux joueurs. Et même l'autre qui est sorti blessé. Une pensée aux auditeurs qui ont dû se taper Marc et Adrien ce soir. Non, mais bon. David, la tu phrase. J'ai le droit de dire ma phrase. Mais David, pour l'instant. Vas-y, moi. Le seul unique Didier Sénac. Il range son micro. Moi, rien à signaler. Moi. Vous savez quoi, comme j'ai bien aimé ce que j'ai dit sur le compte Twitter de GA hier. Quand Vada va, tout va. Voilà. Et moi, je tiens à signaler Neymar, 0 but en Ligue 1. Mendy, 1 but. Neymar est moins fort que Mendy. Et moi, je tiens à signaler Marc. Voilà, si on peut l'éliminer, Seb revient. Tu rentres comment, toi, en vélo? En vélo, c'est vrai. C'est quand tu pourrais avoir les deux premiers? Il y a une voiture, s'il y a une 208 qui me renverse. Non, juste les pneus crevés. Pourquoi te renverser? Juste que tu marches un petit peu et que tu réfléchisses. Il est en train de stresser, là. Il a déjà les pneus crevés. Je stresse. On plaisante, bien sûr. On s'aime tous ici. Allez, passez une bonne soirée. À bientôt, à vendredi, 21h-23h. On parlera du match qui se profilera le samedi contre Metz, 20h à domicile. En attendant, on suit la semaine. Il devrait y avoir des signatures, notamment celle d'Otavio, la confirmation de la visite médicale. Parce que franchement, les deux consécutifs, j'y croirais même pas. Ah non, et puis l'autre qui nous a dit il fait 30 matchs sur la saison. Voilà. Ouais. Allez, à bientôt, bisous. Bisous. Et il n'y a pas de podcast, hein, de jingle de fin, donc vous partirez directement avec la musique DRIG et je sais pas ce que c'est. Écoutez de la musique. RIG 90.7.